baiser, les yeux les plus célèbres, beaux yeux de mon enfant. Par où filtrer s'enfuit, je ne sais quoi de bon, de doux, comme la nuit. Beaux yeux versés sur moi, vos charmantes ténèbres. Beaucoup à ces grottes magiques où derrière la mort des ombres léthargiques scintillent vaguement des trésors ignorés. Mon enfant a des yeux obscurs, profonds et vastes comme toi. Éclairés comme toi, leurs feux sont ces pensées d'amour mêlées de foi qui pétillent au fond, voluptueuses ou chastes.